to shine. Depuis le début je m'acharne, c'est un bon car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Born to shine. Depuis le début je m'acharne, c'est un bon car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Né pour briller, les poches pas de billets. J'ai rêvé de la gloire mais aussi vite de l'oublier. Lié un flot de bâtards, mon caractère toujours vénère, frère, je ne peux pas me taire. J'ai vécu la merde, j'avais plus rien à perdre. Mais nique sa mère, je suis pas sous la terre. Serre à verre, laisse-moi la place. Maintenant je veux briller et remplir mon sas. Arrête le rap, putain tu m'agaces. 8-900, si on est là, il faut que tu traces. T'es crasse, nous on brille comme un diamant. Rarement ce que tu fais, mec, on l'a fait avant. Toi, les autres, tous ceux qui sont là. On a trop la rage, nous on s'en va pas. Et même si le rap nous fera pas briller, tu me verras sur la scène, toujours en train de crier. Born to shine, depuis le début je m'acharne. Tiens bon, car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Born to shine, depuis le début je m'acharne. Tiens bon, car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Péter un gros joint purple avec un tonkard. Ou noyer ma peine dans un verre de vodka coca. Au cas où je serai oublié, pas publié. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Je vais pas plier, car percé j'en ai rêvé. Mais je vais sûrement crever avant d'y arriver. Rivez sur ma feuille blanche et faire que ça. Pour vendre des disques, faut vendre son cul, c'est pervers. Ça jamais je fais ça, car j'ai une âme d'artiste. Mais je sais qu'il y en a qui le font et je trouve ça triste. Je vends mon cul à personne, peu importe le prix. Dans ce biz, la seule force que j'ai c'est mes écrits. Donc je rêve précis, je reste vrai, je reste concret. Avec des lyrics marqués au fer, pas à l'acre. Ça pue le vécu, j'suis pas à la recherche des culs. Je veux pas la fortune et que mon public se décuple. Born to shine, depuis le début je m'acharne. Tiens bon car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Born to shine, depuis le début je m'acharne. Tiens bon car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Je suis né pour briller, mais je veux pas attendre mon jour de gloire derrière le sablier. J'apporte tout niquer quitte à faire péter le barillet. Un max de l'OV pour ma familia. Mon équipe part pas en guérilla. Au micro j'ai trop d'assassinats et tu ne crois pas à pas. Tu finiras avec une cicatrice. Ça m'attriste de nous voir dans les décombres sans jamais pouvoir sortir de l'ombre, hein. Mes frères jamais ne succombent. Fin des matchs comme au ping-pong. Je me laisserai pas comme King Kong. Je débarque avec la rage de Viet Cong. Sur la place explose comme une bombe. Je m'expose, m'impose pour briller jusqu'à l'overdose. Pas question de rouiller comme le magicien d'Oz. Je kifferais bien voir la vie en rose. Mais pour le succès frère faut la double dose. Je me propose car je suis né pour briller. Born to shine, depuis le début je m'acharne. Tiens bon car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Born to shine, depuis le début je m'acharne. Tiens bon car chaque personne est intouchable. Born to shine, je suis né pour briller. Sache que j'attends mon heure de gloire derrière le sablier. Je vais pas frapper aux portes du succès toute ma vie. Vaut mieux rester vrai et faire son taf, ça c'est mon avis. Et t'avise pas de dénigrer tout ce qu'on a gravi. Car de toute manière dans les mémoires nos mots sont gravés. Je pense malade et je me balade sur l'instrumental avec la basse. Grade tout JPICO, y'a trop de niveaux. SENS on défonce les rivaux.